Je ne dirai qu'un mot de quelques-uns des enfants d'Edmé R, surtout des filles, au nombre de 5. Mais on me permettra, en temps et lieu, de m'arrêter avec complaisance sur les garçons. L'aîné surtout, aujourd'hui l'un des plus respectables pasteurs du second ordre qu'est l'Église, peut être regardé comme la récompense des vertus d'Edmond, et de sa soumission aux ordres de son père, dans le choix d'une épouse. Quoique vivant, je ne craindrais pas de louer ce digne ministre des autels, persuadé que jamais cet ouvrage ne pénétrera dans sa retraite profonde, et qu'il ne coûtera rien à sa modestie et à son humilité. Parmi les 5 filles du premier lit, quelques-unes avaient de la figure, et étaient assez bien, surtout la seconde, qui est le portrait de son frère aîné, comme celui-ci l'est de son père. Le second fils de la première femme, nommé Thomas, comme son aïeul maternel, ressemble à sa mère, et en a la bonté, uni à la candeur d'Edmé R. Je ne pourrais parler du frère aîné sans dire un mot du cadet. Ils vivent ensemble, et l'on verra, dans ce que j'en rapporterai, un exemple des vertus les plus sublimes et les plus douces de la morale évangélique. Dès qu'Edmé R. fut veuf, la prudence et ce qu'il devait à sa jeune famille ne lui permirent pas de demeurer davantage avec son beau-père. Il s'en sépara et se mit à travailler pour lui-même, ce qu'il n'avait pas encore fait. Contre sa conscience, Thomas Dondaine étant riche et un père se devant à ses enfants, mais la complaisance pour son épouse avait dirigé sa conduite. Exemple rare qu'un homme qui se sacrifie à la tranquillité et à la satisfaction d'une femme, qu'il n'a prise que par obéissance. Avant de parler des travaux de mon père et de mettre le lecteur à portée de les apprécier, il faut donner une idée de l'état où était la paroisse de Sacy lorsqu'il vint y demeurer. On disait autrefois les besaciers de Sacy, parce que ses habitants mendiaient presque tous, ce qui n'était pas étonnant avec un si mauvais territoire. Celui de Nitrie, au contraire, est fort bon, et tous les habitants étaient à leur aise. Les choses sont bien changées aujourd'hui. C'est Nitrie avec son bon territoire qui demande l'aumône à Sacy. On peut dire de la prospérité d'une paroisse la même chose que des victoires d'une armée. Il n'y faut qu'un bon chef. Les bras sont partout les mêmes. Ce fut la science de les bien employés qu'Edmé R. a porté à Sacy, et qui y subsiste toujours. Lorsqu'il vivait encore avec son beau-père, et qu'il ne faisait qu'exécuter ses ordres, Edmé commençait à faire des remarques sur les moyens d'améliorer un finage, qui n'en paraissait guère susceptible. Son nom même en indique la nature. Il se nomme en latin Saxiacus, de Saxo, pierre. C'est en effet un pays hérissé de grandes et larges pierres, qui pourrait être une sorte de produit, si ce village était à portée de quelque grande ville. Mais il est isolé, et ses carrières, si faciles à fouiller, ne font en se délitant qu'augmenter chaque année l'aridité du sol. Le premier essai qu'Edmé R. fit de la manière qu'il avait imaginé fut dans un champ de son beau-père. On y découvrait, sous la pierre, une terre noire assez fertile. Edmond sacrifia le haut du champ, presque absolument non labourable, pour y amonceler les pierres. C'est le plus rude de tous les travaux rustiques. Cependant, il s'y employa avec un infatigable courage et se fit aider des domestiques. Il eut soin de maçonner lui-même avec les pierres les plus larges le bas du merger. C'est le nom qu'on donne à ces tas de pierres. Et de mêler dans les entre-deux un peu de terre avec des touffes de loam et d'autres herbes du genre des graminées, jusqu'à la hauteur d'un homme, tant pour consolider par là le bas du merger que pour fournir une pâture aux bestiaux, presque égale en étendue, au terrain qu'il était forcé de couvrir. Il avait aussi eu soin de pratiquer un chemin en limaçon pour monter jusqu'au sommet. Et chaque année, avant le labourage, on y portait les pierres que les pluies avaient découvertes. Il n'y a pas de meilleur engrais que les pierrages. La récolte de ce champ alla à plus du double de celle des années ordinaires, et paya dès la première le temps qu'on avait donné à l'amélioration. Toutes les années suivantes furent donc un profit net. Aussi ai-je entendu souvent mon père désirer qu'on employât les malfaiteurs des prisons avant leur jugement en qualité d'épierreurs, sous la garde de quelques soldats, qu'on ôterait des garnisons où ils sont inutilement casernés. Il serait même à propos qu'en certains cas, cette condamnation fût substituée aux galères, avec l'intention de faire bien exécuter l'ouvrage, sous la direction de l'un des syndics de la paroisse à épierrer. Il pensait encore qu'on aurait pu employer ces gens-là au redressement du lit des rivières, qui mangent d'excellentes prairies, pour ne laisser de l'autre côté qu'une grève de sable, etc. Enmeher, malgré la réussite, essuya des contradictions de la part de son beau-père, et il ne put faire un second merger. Quelques habitants l'imitèrent, mais n'ayant eu ni l'intention de maçonner le pied, ni de le gazonner, les pierres ne tardèrent pas à recouvrir tout l'héritage. Tandis que le premier merger d'Enmeher subsiste encore au bout de plus de 60 ans et sert aujourd'hui de monument à sa mémoire. Dès qu'Enmeher fut maître de lui-même, il déploya les talents qu'il avait reçus de la nature, pour le plus noble et le premier des arts. Il laboura avec une si grande intelligence en se proportionnant à la nature du terrain, en creusant avec le soc ou en ne faisant qu'effleurer le sol, suivant que la terre végétale était profonde ou légère. Surtout par l'attention à ne pas déraciner les pierres dans cette dernière ou à ne pas la mêler avec un tuf stérile, qu'on distinguait ses guérets de ceux des voisins par un demi-pied de plus dans la hauteur des tiges. Les habitants de Sassy, témoins de ses succès, ne tardèrent pas à l'imiter. Le sommet aride des collines fut couronné de mergers immenses, et les champs voisins commencèrent à produire. Bientôt le cultivateur encouragé défricha des terres incultes, qui formaient bien le tiers du finage. Ce fut encore Enmeher qui en donna l'exemple. Ce travail est pénible à la charrue et deviendrait trop coûteux si on le faisait à bras d'homme. Outre que dans un pays aussi peu fertile, il n'y avait pas de bras de reste. Enmeher, pour ne pas perdre un seul labour, mit la charrue dès la fin de janvier dans les terrains incultes et abandonnés qu'il voulait défricher. Et avec ce premier labour, il y sema de l'avoine. Ce grain y leva assez bien, mais les mauvaises herbes y crurent en plus grande quantité. Que faisait cela à Enmeher? Il se trouva suffisamment dédommagé de quelques jours de labour, par l'excellent fourrage que ses novales lui produisirent. La terre, un peu ameublie par là, recevant ensuite 3 labours consécutifs, se trouvait en état d'être ensemencée en blé l'année suivante. Si le terrain était couvert d'épines et de genièvres, le préalable était de les arracher. Mais ce surcroît de travail n'était pas une perte, puisque ces mêmes bois faisaient un excellent chauffage pour le four à cuire le pain. Avec le caractère laborieux des habitants de Sassy, ils ne demandaient qu'à être instruits d'exemple. Ils marchèrent à l'envi sur les pas d'Enmeher, rougissant qu'un étranger à leur égard eût plus d'industrie qu'eux. Mais ce n'était là tout au plus que la moitié du travail à faire dans cette paroisse. Enmeher s'aperçut bientôt qu'il y avait certaines collines absolument indéfrichables par leurs pentes trop raides. Les habitants faisaient alors si peu de vin que les anciens seigneurs, en les chargeant de la dîme exorbitante de 12 gerbes l'une, pour un si mauvais terroir, outre une gerbe par arpent, avaient négligé d'établir aucun droit sur les vignes. Edmond fit à ses dépens l'essai de planter une partie de l'un de ses coteaux non labourables. 7 ans de soins et de dépenses suffirent à peine pour en faire une vigne. Mais enfin elle produisit un vin excellent, qui n'avait d'autre défaut que d'être trop tendre, c'est-à-dire potable au bout de 6 mois, et ne pouvant se garder au-delà de 3 ans dans toute sa bonté. À son imitation, le laborieux Saxiat planta des coteaux incultes, et bientôt le produit des vignes, absolument créé, puisqu'il n'existait pas auparavant, surpassa celui des terres. Ce ne fut cependant pas l'ouvrage d'un jour. Il fallut environ 30 ans pour donner à cette culture le degré de perfection et de rapport qu'elle a aujourd'hui. On reconnut bientôt que la vigne ne durait guère que 20 ans sur ce terrain aride, et qu'il fallait la renouveler souvent. Enmeher fut le premier à remarquer cet inconvénient, et il y chercha un remède. En diminuant les friches, on avait augmenté les bestiaux nécessaires à la culture. Devenus plus aisés, les habitants s'étaient donné les utiles animaux qui adoucissent la vie, la vache, la brebis, la chèvre. On avait besoin d'une assez grande quantité de fourrage, et par un retour profitable à l'agriculture, cette consommation produisait une plus grande quantité d'engrais. Il y avait bien une excellente prairie dans le même vallon où est situé le village, mais alors une moitié seulement était d'un bon rapport. Enmeher songea au moyen de faire dans les vignes à arracher des prairies artificielles qui, devant durer 7 à 8 ans, reposeraient suffisamment la terre pour la mettre en état d'être replantée en vigne. La nature même du terrain lui indiqua la plante qu'il devait semer. Il vit du sainfoin sur le sommet des collines, dans les endroits où les pluies avaient laissé un peu de terre. Il sema donc cette plante montagnarde en arrachant sa vigne, et il eut la satisfaction de se procurer un excellent fourrage sans perdre une seule année de produit. L'usage s'en établit aussitôt dans le pays. Et aujourd'hui, lorsqu'un homme abandonne une vieille vigne, on dit qu'il y a semé du sainfoin. La première année du produit de cette plante étant faible, on laisse subsister les vieux cèpes, qui dédommagent un peu par quelques raisins. L'hiver suivant, on les coupe par le pied, et les tendres rejetons se mêlent avec le foin de l'année suivante, dont ils augmentent la quantité. La faux achève de les faire périr. Quoique mes airs aient employé au moins 30 ans à toutes les opérations que je décris, je les rapporte de suite, et parce qu'elles ont une liaison entre elles, et pour n'y plus revenir. J'ai dit qu'il n'y avait qu'une partie de l'excellente prairie de Sacy qui fût d'un bon rapport. Cette partie même était souvent noyée, sans que personne cherchât à y porter remède. Edmé conseilla de faire un fossé large et profond au milieu de la prairie, pour en faire écouler les eaux. Ce projet fut exécuté, et le produit du foin en fut double et de meilleure qualité. Quant à la partie presque inutile et qui ne servait que de vaine pâture, il y avait beaucoup plus de travail. Edmé R. y possédait une pièce assez considérable. À quelque distance et sur le bord même de la prairie, il y avait un champ, qui n'était qu'un monceau de grosses pierres, roulé du coteau voisin, depuis qu'il était cultivé. Edmé fit faire un large fossé au milieu de sa prairie, profond de 10 pieds. Il y fit porter toutes les pierres de son champ à la hauteur de 8 pieds. On étendit sur le lit de pierre une couche d'argile d'un pied d'épaisseur. Il fit ensuite remettre de la terre à la hauteur de 4, et par-dessus la botte de gazon qu'on avait soigneusement conservée, ce qui donnait au sol 3,5 pieds d'élévation au-dessus du niveau. À côté de ce fossé, on en fit un autre, qu'on emplit de la même manière, jusqu'à ce qu'on eût tenu toute la pièce. Qu'arriva-t-il? L'inondation survint, mais le pré d'Edmé R formait au-dessus de l'eau une île verdoyante, qui donna un foin grand, fin et propre. Son champ ne le dédommagea pas moins de ses dépenses. Le froment y vint comme on n'en avait jamais vu dans le pays. Dès l'automne suivant, tous les voisins l'imitèrent. Il y en eut qui allèrent chercher des pierres jusque dans leurs champs les plus éloignés. Aujourd'hui, cette portion de la prairie est celle qui rapporte davantage. On voit par là combien un seul homme peut produire de bien dans une paroisse, lorsqu'au lieu d'exercer son industrie par une rapacité qui engloutit tout, il la tourne à la recherche de moyens innocents, qui, loin de nuire aux autres, leur sont au contraire profitables. Aussi, la prospérité dont a joui longtemps Edmé R n'a-t-elle jamais été enviée. Le digne avocat R vint voir mon père au milieu de ses travaux, dont le bruit avantageux était parvenu jusqu'à lui. Il fut frappé d'admiration, et comme mon père était au champ lorsqu'il arriva, il alla faire ses informations au vénérable Antoine Faudria, alors curé, avant de parler à son parent. Il ne put retenir ses larmes en le voyant arriver couvert de sueur, et lui jetant les deux bras au cou, il lui dit « Mon cher Edmond, je vois par ce qui t'arrive que c'est Dieu lui-même qui inspire les pères lorsqu'ils commandent à leurs enfants. » Qui n'aurait regardé comme une folie la conduite de l'honorable Pierre si l'on avait su la fortune et le bonheur qu'il te faisait manquer? Cependant, quel avantage pour ce pays que ton digne père inspiré de Dieu t'ait rappelé dans ta prairie pour y exercer ses précieux talents? D'où dépend le bien-être de toute une grande paroisse. Qu'importe que tu aies de la peine, quel est l'honnête homme qui n'envierait pas ton sort? Je l'envie, ô Edmond, ô mon digne parent, et l'honneur de mon nom. Je l'envie pour mes fils et pour moi-même. Je sais la réputation que tu t'es déjà acquise. Ton grand-père, mon honorable oncle, s'appelait l'homme juste. Tu le fais revivre, et l'épithète qui sort de la bouche d'un chacun, dès qu'on t'a nommé, c'est l'honnête homme. Ah, mon ami, mon cher cousin, le beau titre, si volontairement et si librement donné par tout un pays à un homme qui ne compte pas encore 36 ans. Béni sois-tu, Edmond, béni soit le père qui t'a rappelé parmi nous, et Dieu l'en récompense. Béni soit la mère qui t'a nourri et qui t'a élevé dans l'amour du travail et du devoir, en te donnant son cher et précieux exemple. J'ai rapporté ici cette tendre effusion d'un cœur vertueux pour couronner dignement cet article des travaux rustiques de mon père. Mais la récompense la plus flatteuse pour lui et la plus digne de son cœur, ça a été de laisser en mourant la paroisse florissante et les habitants en général, qu'ils avaient trouvé mendiant leur pain, les plus à leur aise de tous les environs. Nitry avait un sort tout opposé. J'en ai décrit les causes dans l'école des pères, et j'y renvoie. Les soins d'Edmé R pour le bien, et j'ose dire le bonheur de la paroisse, où l'obéissance à son père l'avait fixée, ne se bornèrent pas là. Il rendit aussi des services en grand, avant même qu'en qualité de juge, il eut occasion d'exercer cette générosité magnanime qui faisait le fond de son caractère. Dans les conversations qu'il avait avec les vieillards du pays, il les entendait souvent regretter des bois communs qui leur avaient été enlevés par un seigneur voisin, dans le fief duquel ils étaient enclavés. Mais tous ces pauvres paysans se bornaient à des plaintes vagues et à des vœux impuissants. « Y a-t-il des titres ?» leur dit Edmer. « Il y en avait, mais on ne sait ce qu'ils sont devenus. » À force d'informations et d'interroger les anciens, le plus âgé de tous, nommé le père d'Augy, lui dit un jour « Si nos titres n'ont pas été brûlés, ils ne peuvent être que chez le fils de notre ancien lieutenant, d'il y a 60 ans, qui est fort vieux et curé d'Annette-la-Côte. » Dès qu'Edmer eut cet éclaircissement, il ne perdit pas une minute et partit à cheval pour Annette. Il y arriva le soir et y trouva le vieux curé, presque en enfance, de sorte qu'il n'en put tirer aucun éclaircissement. Il fut réduit à s'expliquer avec la gouvernante qui n'était nullement instruite de ce qu'il demandait. On le retint à souper et à coucher, parce qu'il était nuit lorsqu'il arriva. Le lendemain, la bonne gouvernante lui dit « Mais monsieur, j'ai fait réflexion cette nuit à ce que vous m'avez dit. Il y a sur le ciel du lit de monsieur le curé de vieux parchemins. Si vous voulez y voir, attendez qu'il soit levé, car il y a tant de poussière que vous l'aveugleriez. » Edmer tressaillit à cette nouvelle. Il attendit avec beaucoup d'impatience le lever du bon curé. Enfin, il lui fut permis de chercher. Il alla prendre les parchemins. Il y avait 40 ans qu'ils étaient là, et qu'on y avait touché. Il les trouva tous, à l'exception d'un qui n'était pas des moins importants, qu'on avait malheureusement pris pour en couvrir un pot de raisin et envoyé à Paris. Après avoir ôté la poussière qui empêchait absolument de lire, mon père trouva le titre fondamental, celui par lequel les bois communs avaient été donnés par un ancien seigneur aux habitants de Sacy, pour reconnaître les bons et fidèles services qu'il lui avait rendus. Transporté de joie, il ne prit pas le temps d'examiner les autres, sur l'assurance qu'on lui donna, qu'il n'y avait rien dans ses papiers qui intéressât les affaires particulières du pasteur. Il repartit aussitôt, malgré un furieux orage, qui se préparait et qui l'essuya en route. Toute son attention fut d'empêcher les titres d'être mouillés, et à peine y put-il réussir. Cet empressement, à s'en retourner, lui coûta cher. Une pleurésie le mit à deux doigts du tombeau, ce qui prouve bien que les meilleures actions n'ont pas une récompense matérielle. Dans l'état où il était à son retour, il courut chez le curé, pour lui faire part de sa découverte. Le bon pasteur en fut ravi, mais il s'occupa trop en ce moment de l'heureuse nouvelle, et pas assez de celui qui l'apportait. Ces deux hommes résolurent de ne rien négliger pour faire rentrer les habitants dans leurs droits. La maladie de mon père retarda l'exécution de ce projet de quelques semaines, mais dès qu'il fut convalescent, ils mirent la main à l'œuvre. Le pasteur alla suivre l'instance à Dijon, tandis qu'Edmer travaillait auprès du seigneur voisin, un juste détenteur des bois communs, pour parvenir à une conciliation. Il obtint enfin, et les parties passèrent à Ray, par lequel les habitants rentrèrent en possession sans réclamer aucune des jouissances antérieures. On accorda une place honorifique dans l'église au seigneur cédant. Enfin, Edmer employa tous les moyens humainement possibles pour n'en pas faire un ennemi à la communauté. Ce grand ouvrage achevé, Edmer fut au comble de la gloire citoyenne dans sa paroisse. Mon père excellait dans tous les détails de l'économie rustique, surtout dans le soin des bestiaux. Il abandonnait aux femmes et aux domestiques le menu bétail, se contentant d'y donner un coup d'œil journalier, mais il s'était réservé à lui seul le gouvernement des chevaux. J'ai dit qu'il aimait ce noble animal, mais ce goût était subordonné à l'utilité, à la raison et à sa fortune. Un tact particulier lui avait donné une connaissance parfaite du cheval. Il aurait été un excellent maquignon s'il avait entrepris ce commerce en grand, mais il vénérait trop l'agriculture pour l'abandonner. Tous les chevaux qu'il achetait changeaient à vue d'œil entre ses mains. Ordinairement, il les prenait jeunes et maigres. Il s'en servait 2 ans et les revendait ensuite à un prix proportionné à leur valeur. Il était si juste, si bon connaisseur, qu'on le laissait maître de fixer le prix. On l'a vu plusieurs fois rabattre de la somme que l'acheteur avait d'abord offerte à la première inspection. Ce fut cette probité exacte et d'autres vertus, dont je parlerai bientôt, qui lui méritèrent le surnom de l'honnête homme, dont il fut honoré par tout son canton et qui retentit encore aux oreilles de ses enfants lorsqu'il retourne dans le pays. J'ai donné un exemple de l'affection dont le cheval payait les soins d'un si bon maître. J'aurais 1000 exemples à citer dans cette nature. Un jour qu'il était à la charrue, une compagnie de recrues qui traversait le royaume pour aller à sa destination vint lui demander ses chevaux pour les monter l'espace de 3 lieues. Edmeer y consentit, mais il les avertit qu'ils ne pouvaient souffrir d'être maniés que par lui, tant ils étaient féroces et sauvages. Les fanfarons lui rirent au nez. Ils montèrent 2 sur chaque cheval. Tant qu'Edmeer les tint par la bride, ces fougueux animaux obéirent. Ils obéirent même encore tant qu'il les encouragea de la voix. Mais lorsqu'ils furent à quelque distance, l'un d'eux se retourna, malgré les efforts des 2 soldats, et voyant son maître qui s'en allait, il fit 2 ruades, qui étendirent les cavaliers sur le pré, et courut après son maître en hennissant. Les 3 autres chevaux, entendant hennir leurs camarades, et le voyant fuir, en firent autant, et galopèrent après leur maître. Un autre qu'Edmeer aurait été charmé de cette aventure. Il avait envoyé un domestique à la suite de ses chevaux. Il y alla lui-même. Il fit remonter les soldats, tint le cheval le plus fougueux par le licol, et marcha ainsi 3 lieues à pied par la plus forte chaleur, n'exigeant autre chose sinon qu'on traita doucement ses chevaux, ce que les soldats furent contraints de faire pour leur propre intérêt. Arrivé à Noyer, le maire de ville, M. Miret, son parent, fut très scandalisé de le voir arriver de la sorte, et voulait envoyer les soldats couchés en prison. Mais Edmeer intercéda pour eux et reçut leurs excuses. « Nous vous avons pris pour un simple paysan, lui dit l'officier. Vous ne vous êtes pas trompé, monsieur, mais ce que vous ignorez, c'est que j'en fais gloire. » L'autre trait est plus important, puisque le cheval sauva la vie à mon père. C'était en revenant de Tonnerre. Il fut attaqué à l'entrée d'un bois, aux environs de Chiché, par 4 voleurs. L'un prit la bride de son cheval, l'autre présenta le pistolet, tandis que les 2 autres fouillaient dans les poches et dans les sacoches, en ordonnant aux cavaliers de descendre. Mon père, d'abord effrayé, demeura interdit, mais une réflexion lui rendit une sorte de témérité. « Ces messieurs me tueront en leur donnant la bourse, tout comme en la leur refusant. Si leur sûreté l'exige, pensa-t-il, essayons de m'échapper. Il en arrivera ce qu'il pourra. » En achevant ce petit monologue, qui ne fut qu'une idée rapide, Edmeer dit à son cheval le mot d'encouragement qu'il ne prononçait jamais que lorsque l'animal était arrêté par quelque grand obstacle. « Allons, mon garçon !» En même temps, il piqua des 2, chose extraordinaire, car jamais l'éperon ne lui servait. À ce mot, l'animal part, quoique le voleur ne l'achappe pas la bride. Il l'entraîne ainsi 20 pas en galopant de toutes ses forces, au cri répété de son maître, et s'en débarrasse enfin en le foulant aux pieds. Sans l'extrême affection qu'avait le cheval pour son maître, et l'habitude où il était d'obéir à ce mot, en dépit de tous les obstacles, Edmeer était massacré. Les autres animaux avaient pour lui le même attachement. Cet homme, si juste et si bon envers ses semblables, étendait cette justice et cette bonté jusqu'aux êtres au-dessous de notre espèce. C'est que jamais il ne les abordait que pour leur faire du bien. Toujours il avait les mains pleines, ainsi qu'aux plus stupides. Tous lui marquaient leur attachement.